L'actualité à Nancy et ailleurs. Redouane Attif, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Diwan en Lorraine et vous organisez cette semaine la première édition du Salon Livre d'ailleurs. C'est à Nancy et c'est un événement que vous attendez avec beaucoup d'impatience, j'imagine. Oui, tout à fait. Livre d'ailleurs s'inscrit dans le cadre de Désir d'Afrique, qui est un temps fort dédié à l'Afrique du 21 février au 12 mars, avec une douzaine d'acteurs culturels sur l'agglomération nancéenne. Et donc, on peut voir des concerts au Centre culturel André Malraux, à l'autre canal, des pièces de théâtre au Théâtre de Mont-Désert. Il y aura des séances de contes dans les bibliothèques. Et Livre d'ailleurs est une manifestation littéraire qui s'inscrit dans ce cadre-là. Et qui a pour vocation de revenir chaque année. C'est ça. Donc, on souhaiterait installer ce salon international du livre d'ailleurs avec une alternance entre une édition dédiée à l'Afrique, comme cette année, et une édition dédiée à l'Orient l'année d'après. Et cette année, nous avons le grand plaisir de pouvoir accueillir le prix Goncourt, donc Mohamed Mbougarsar, qui sera des nôtres le samedi. Et nous avons aussi l'honneur d'accueillir Oswald Lewat, qui est une jeune romancière franco-camerounaise qui vient de gagner le grand prix panafricain de littérature. Donc le salon Livre d'ailleurs, c'est du 4 au 6 mars hein, à l'hôtel du département de Meurthe-et-Moselle. On va pouvoir rencontrer en tout une trentaine d'auteurs et de dessinateurs. Et pour cette première édition, un premier président, et ce sera Inkoli Jean-Bofane, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc Inkoli Jean-Bofane, qui est un auteur congolais, qui a eu plusieurs consécrations, et nous sommes très heureux qu'il ait accepté cette première présidence. Et donc le public lorrain aura un grand plaisir à venir écouter, échanger avec ce grand monsieur. Vous organisez également plusieurs tables rondes sur des thèmes tels que « Dessine-moi la liberté », »,« Les chemins de l'émancipation », »,« La bande dessinée en Afrique », pour n'en citer qu'une petite partie. C'était important de proposer ces temps d'échange et de réflexion lors de ce salon. Oui, dès le départ, ça a été un des principes qui a guidé la réflexion et sur lequel se sont attelées nos deux programmatrices qui font partie de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Ce sont 750 maisons d'édition sur 55 pays. L'idée, c'est de ne pas faire venir les auteurs uniquement pour des séances de dédicace, mais qu'ils puissent participer à des tables rondes, avoir même des temps propres à eux dans une ambiance intimiste où ils peuvent lire leurs livres, raconter une histoire sur une thématique. Et donc, en avant-première, jeudi, nous avons trois tables rondes en même temps, une animée par René Guiton, qui avec Jean Plantu avait présidé à l'album Africa de Cartooning for Peace, avec des dessinateurs de presse qui ont participé à cet album. Et le thème, c'est Dessine-moi l'Afrique et ce sera Dessine-moi la liberté. Et ce sera à la médiathèque Jules Verne de Vendeur. Et deux autres rencontres dans les cités universitaires, une des chemins de l'émancipation, donc sur le rôle de la femme en Afrique, qui aura lieu à la cité universitaire de Boudonville de 18h à 20h. Et la troisième, c'est la Tunisie, 11 ans de désir de changement, avec Amin Al-Rosi et Yaman Manaï, qui sont deux jeunes auteurs tunisiens. Et ce sera à la résidence universitaire de Montplaisir à Vendeur. Voilà, pour ces premières tables ronde hein, qui ouvre donc cette première édition du Salon Livre d'ailleurs. Parmi vos invités, vous avez cité notamment Mohamed Mbougarsar, le lauréat du prix Goncourt 2021 pour son livre « La plus secrète mémoire des hommes » qui sera présent samedi, je crois. Oui, il sera présent samedi et il sera présent dans une formule un petit peu particulière. Donc, plutôt que de faire une table ronde, nous avons opté pour ce qu'on appelle en Afrique une katala, c'est-à-dire qu'il sera avec le président, Inkoli Jean-Bofane, et chacun présentera l'autre. Voilà la katala, c'est faire honneur à l'invité et présenter l'invité. Ça se passera samedi au conseil du département de 14h à 15h. L'hôtel du département de Meurthe-et-Moselle aussi, qui sera le théâtre de plusieurs expositions hein, aussi pendant cette première édition du salon. Oui, tout à fait. Nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous la galerie Gosselin Kunz qui va pouvoir présenter quatre artistes africains. On aura Moufoki, qui est belge et congolais. On aura Myriam Moutawakil, qui est marocaine et qui est habitante de la région, donc une Lorraine, on va dire. On aura Jean-Pierre Berce, dit Berce Grand Singe, qui est un ami de Jean-Michel Basquiat. C'est lui qui lui a donné ce surnom de Grand Singe. Et enfin, on aura Paul Iboko, donc il y a un Congolais qui vit à Paris. Donc quatre belles expositions grâce à ce partenariat que nous avons avec la galerie Gosselin. Voilà un beau programme en tout cas pour cette première édition du Salon Livre d'ailleurs, c'est du 4 au 6 mars. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première édition du Salon Livre d'ailleurs? Eh ben, on peut souhaiter d'avoir un public nombreux qui vient échanger avec des auteurs qui sont connus sur leur continent mais qui sont méconnus ici en Lorraine et qu'on puisse enrichir ensemble nos horizons littéraires. Et les gens qui veulent plus de détails, il y a même un site et une page Facebook, Livre d'ailleurs, où on a quelques vidéos d'auteurs qui se présentent et où on essaye de maintenir l'actualité de Livre d'ailleurs. Merci beaucoup Ridouane Atif. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.